veux voir qui? Non, je vois pas qui c'est. Moi, je vois pas qui t'es. Vas-y, commence à quitter. Expression reprise en direct en bas des blocs. Pour les roux qui te foquent à la moindre encoche. T'accroches, accro au mot cru. Pour mes gars, c'est mot doux, au mot dur. Tout niqué, Hugo Malia fort comme Igor. Pâte à la foc, nourri, on go pour isos. Manioc, coupe les bails à l'ammoniaque. Manicole, quand t'as pécho, ton bloc. Chipote pas avant qu'on claque. Bolos, on t'a franchi, vas-y, commence à quitter. Mais en attendant, c'est le mic et la vie que je kick. Commence à kick des bitches, je te vois, je suis chiffre. Tu veux faire une revue, t'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Tu veux faire une revue, t'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Commence à quitter le secteur, en gros j'y rookie. Surtout si derrière toi cache un inspecteur. Commence à biper, tous tes potes abusent cette sale époque. Le plus gros des bouffons que t'es trippé. Je m'agrippe sur l'intrus, car c'est les cons de la crime. T'es ton rap, je peux le décrypter. Je m'en parlais, commence à quitter. Car les frères ont la dalle, donc le beat ils vont kicker. Nous on déboule à six, ton 12 couilles, ça sent le sexe. Ces missions se frottent pas, comme ces vieux films qui passent sur la 6. On se fait la bise, même pas. Commence à quitter, ou alors ça se négocie. Ouais, suce-moi la piche, et je représente là où j'habite. Tout ce qui m'abîme, le rap n'a plus rien dans le slip. Pire, il tapine en cabinet, ta gueule. Bébé, bien sûr que je suis cabine, ma gueule. Un gros tatata, DMC Cartil. T'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du. Commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Tu veux faire une revue, t'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du. Commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Si tu penses à seul instant que je vais enlever mon turban, ma colchard est mise en avant. J'ai une barbe, des traits de l'orse. On ne compare pas un enfant de glacial à un vulgaire corse. J'invoque l'âme de ma plume pour ma shop-tem. Ceux qui parlent au colboc, un pull sont des blocs. Vêtis, truand de la galère, te terminera dans un box. Morsaille, j'suis déterminé. Avec ses rêves, mon équipe truand de la galère, on va tout briser. J'm'en bats les couilles, s'il y a plus d'oseille, j'braque épicier. Si tu croises un skin, mets-lui un coup de couteau sans pitié. J'traîne qu'avec fétiche dans le quartier. Quand j'croise un cup, j'ai juste envie de l'enculer. C'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi, j'peux pas m'en passer. Comme une toxicomane qui demande que de la cesser. Tu veux faire une revue, t'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du. Commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Tu veux faire une revue, t'as un bel estu, mais l'instrument n'est pas du. Commence à quitter. Tu voudrais qu'on baisse nos fûts, t'as vu ce qui flotte dans nos calfus. Les haineurs, les langues de pute, commence à quitter. Tout le monde sait que t'as une grosse langue de pute. Rappelle chute pendant que le note il percute. Devant les feux que ferme ta gueule ou tu vas manger des hypercutes. Les petites victimes sont appelées par la lispo pour de la recrue. Toi et tes gars, je vous mange tout cru. ZZZRF, fais tapiner les feux, me déguiser en feu que. Je te le répète, c'est pour mes rocs qui ont le feu, feu sur la queue. Tu veux ma voix dans tes projets? Prends un ticket comme tout le monde, n'oublie pas de faire la queue. J'ai toujours su faire partager mes twitchs. J'ai toujours su faire taffer des biches pour un billet de sang. Triant d'alerte, gars, baisse l'état et toutes les lobsas. Le son du terre-terre, volume 2. Eh ouais, mon gros, faut pas que tu loues ça.